c'est votre regard. L'attirance de vos charmes était si forte lorsque ma main a touché votre corps. Un contact sensuel s'est installé. N'avoir pas su me saisir.